Bonjour, direct du 20 octobre 2021. J'étais censé avoir une entrevue hier, puis finalement il y a eu des problèmes techniques et ça s'est pas fait. Mais quand même, j'ai eu une charge qui s'est accumulée et finalement ça n'a pas pu s'écouler dans l'entrevue. Donc j'ai été pris pour J'ai eu de la difficulté à dormir, disons, là, qu'il s'est accumulé quelque chose, puis ça part pas comme ça. Bonjour, Gino. Et ça, c'est extrêmement déplaisant. Ça me met vraiment en colère. Moi, là, m'endormir vers 4 heures du matin, là, à cause de des problèmes techniques. Mais c'est ça, l'entrevue s'est pas fait. Puis, comme l'entrevue se faisait pas, ah, bonsoir. Comme l'entrevue se faisait pas, ben j'avais de l'énergie, j'avais une énergie d'accumuler, puis c'est ça, ça m'a empêché de dormir. Puis là, je suis pris, moi, vu que j'ai pas d'entrevue, j'ai personne à qui parler, mais l'énergie de parler est là. Fait que qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, à l'interne, il se passe beaucoup de choses, puis je suis pris pour me chicaner avec mes bébites à moi. Bonjour, Lucie. Et puis, par après, en plus, je me fais chicaner. Vous seriez surpris comment je me fais chicaner, puis je me fais. Puis là, ça me disait que je suis pas correct, que je suis pas fin, que je tiens pas en compte le psychologique du monde. Bonjour, Darkémiste. Puis c'est ça. Puis moi, je pas. En tout cas, ça aurait été le fun que l'entrevue se fasse, mais je pense que ça a été voulu pour que ça se fasse pas. Ça a été voulu pour que ça se fasse pas, pour que j'accumule cette énergie-là de parole, puis que je passe une partie de la nuit à me faire chicaner à l'interne, à me faire dire que je suis pas fin, que je suis pas correct, que je respecte pas le monde, que j'aime pas le monde. Je le sais que c'est pas vrai, mais ça va prendre des formes comme ça. Puis là, j'étais vraiment maudit, puis là, ça disait, t'es pas correct, t'es pas honnête, puis bon. Pour toutes sortes de raisons, ça dépend tout le temps par rapport à quoi ça me dit ça. Prenez par rapport Monsieur Trajan. Monsieur Trajan, une affaire que j'ai pas dit puis que j'ai pas eu. Envoie la pleine lune. Bon, chacun ses affaires. Moi, c'est tout le temps allumé comme si c'est pas la lune là, mais ça change pas de. Mais là hier c'était. Ah ouais, je sors d'examen, il pleut. Je suis objectif. Bon. Je pensais à Monsieur Trajan, puis là, ça me disait, t'es pas correct. L'affaire, c'est que, comme j'ai été dur avec, mais l'affaire, c'est que, par rapport à ce qu'il m'avait dit, puis que j'étais allé lui répondre, là, dans une capsule carrément, puis après ça, il revient, lui, dans le chat, là, pendant le direct, puis il est pas content, puis il me dit, ouais, mais bon. L'affaire que j'ai pas dit, c'est que, j'ai pas un contact fort depuis les 3 dernières années, là. Ça a baissé beaucoup, puis c'est beaucoup, beaucoup moins fort que c'était. Mais, bonjour, Carole. Mais les désavantages, eux, sont là quand même. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vis encore, puis ça, c'est pas parti. Monsieur Trajan, je me souviens même plus ce que je lui ai dit, puis je me souviens même plus pourquoi. Puis là, il est là, puis je dis, ouais, mais puis là, je suis là, il dit, c'est toi qui es pas correct, mais dans le fond, je me souviens même pas. Je m'en souviens même pas de ce que je lui ai. Je me souviens pas de ce qu'il m'avait écrit, puis je me souviens pas de ce que je lui ai dit. Bon, Darkémis, la pleine lune est très influente magnétiquement quand tu es en interaction psychologique avec le bon monde. Avec le bon monde, de quoi tu parles, le bon monde? Il y a du mauvais monde. Non, je pense pas que la lune. Ça, en tout cas, ça peut faire que, mais moi, comme je dis, j'étais censé donner une entrevue, il y a eu des problèmes techniques, puis ça n'a pas pu se faire, mais j'avais quand même la charge de parole. Puis là, j'étais pris il se manifestait quelque chose, là. Il se passait quelque chose à l'interne, puis là, j'ai été pris avec ça, puis ça m'a empêché de dormir. Mais ça aurait été pas la pleine lune, que ça aurait fait la même chose, là. Puis c'est ça. Puis là, ça me dit que je suis pas correct, je prends pas en compte le psychologique du monde. Puis bon, j'imagine que c'est vrai. J'imagine que c'est vrai parce que c'était très fort. Bon, pour une fois en direct, ben oui, mais là, J'en ai fait beaucoup dernièrement. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils préféraient les capsules. Et puis, ben franchement, là, ça se peut que j'en efface parce que j'aurai jamais le temps de répondre à tout. Puis, le bon monde, c'est pour reprendre ce que disait Bernard sur l'entourage. L'entourage, pas mon entourage, là. Toi, t'es-tu mon entourage, Darkinist? Pense pas, là. C'est autre chose, là. C'est un autre niveau, mais. Par rapport à mon entourage, bah oui, je suis aussi chien avec mon entourage. Moi, pour les contacts qui vont et viennent, je vois ça comme il faut que ça s'intègre avant d'avoir d'autres contacts. Sinon, ça s'accumule pour rien. Bah là, c'est pas nécessairement ça parce que j'agis de la même façon tout le temps. C'est-à-dire que quand je trouve que quelque chose n'est pas ajusté, je le dis tout de suite, puis des fois, je suis rough dans ce que je fais. Puis en plus, comme c'est sur YouTube, mais c'est public. C'est bien de placer certains. Oui, je le sais, ça, mais il faut que ça soit fait comme il faut. Puis moi, ben, je suis. Ça fait que là, j'ai fait quelque chose, là, ce matin, là. Hein? C'est l'entourage qui fonctionne avec le psychologique uniquement qui sont pas encore. Je le sais, ça, mais c'est pas une raison pour être rough comme je l'ai été. Avec vous, entre autres, là, Darkemist, mais je vais te dire avec toi, on s'est assez picossé pour que je te tutoie. Allez, montrer quoi? Non, non, non, non. Ce que j'ai fait ce matin, j'ai ouvert une boîte courriel. Je vais la mettre là avec le compte YouTube pour que des gens puissent m'écrire en privé. Parce que là, quand quelqu'un m'écrit quelque chose en public, puis que là, je m'en vais répondre dans une vidéo, c'est vrai que c'est pas ajusté, puis c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Donc, le compte que j'ai créé, c'est Berthold avec un B majuscule, point courriel. Il y a deux R à courriel, hein? Puis il n'y a pas de S à courriel. Donc, Berthold.courriel à commercial outlook.fr. Mais je le mettrai, je vais le mettre dans les liens là, avec le compte, là. Ça ressemble à mon caractère d'italien noir, mais moi aussi, j'en ai de l'italien. Par la mère de mon père. Ouais, j'ai d'autres ascendances aussi, là, mais oui, j'en ai de l'italien un petit peu. Peut-être beaucoup, je ne le sais pas. En plus, j'ai déjà travaillé pour des. Puis je ne m'entendais pas très bien avec eux autres. À un moment donné, ils voulaient me payer avec du vin. J'étais en maudit. Non, non, tu vas me donner de l'argent, là. Bonjour, Anna. Donc, c'est ça. Je considère que oui, j'ai été désajusté, mais depuis 3 ans à peu près, j'ai une baisse de vibration épouvantable. J'ai tellement de misère à. J'ai pas parlé encore sur la chaîne. J'ai pas vraiment exercé de parole encore. Mais quand tu es transitif, tu as assez de discernement pour pas tomber dans le piège de la rancune, ressentiment. Ouais, ben, je suis rancunier, mais je m'en souviens pas. C'est difficile d'être rancunier. Je m'en rappelle même pas de ce qu'il m'avait dit. Je me souviens que je trouvais, Monsieur Trajan, je me souviens que je trouvais ça psychologique, puis ça m'avait mis en maudit, puis j'avais fait une affaire de dire, c'est pas à toi que je parle. Puis par après, il venait me voir, puis il me parlait de la façon, mais dans le fond, je me souviens pas. Je m'en souviens pas, ben franchement, là. Donc, on oublie les coups de bec. Bah ben, là, ça dépend. C'est parce que moi, des fois, je vais donner des coups de bec, puis après, je m'en souviens plus. Mais le monde s'en souvient. Puis là, ils viennent, comme des fois, c'est peut-être légitime. Ils viennent, puis ils disent, ouais, mais t'as dit ça, puis j'ai pas aimé ça, puis, ouais, puis là, je suis là, c'est toi qui n'as pas d'allure, mais dans le fond, je m'en rappelle pas. Donc, ben, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, suis-je barré? Ben non, j'étais là, là. Ben non, t'es pas barré. Il y a Dark Emis que je t'allais te dire. Que je te barrais vendredi matin, mais hier, je jasais de tout ça avec. Si j'étais vraiment rancunier, tu m'aurais bloqué. Parce qu'à un moment, je poussais trop pour avoir une interaction. Ben oui, puis ça me fatigue. C'est un peu comme. Vous savez, quelqu'un, hey, regarde, je suis là, mais à un moment donné, ça vient tannant. Puis c'est une vibration de. Ben, on a tous des mémoires d'avoir été enfant, puis de pas s'être senti vu, puis des fois ça ressort, puis j'ai horreur de ça. Parce que moi, mon enfant intérieur, j'ai l'habitude de le malmener, puis d'être méchant avec. Je veux dire, je suis pas ben ben gentil avec moi-même. Des fois, je suis porté, comment vas-tu? Ben, je vais bien. Ben, comme je disais, j'étais censé avoir une entrevue hier, puis ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des problèmes techniques qui font que ça n'a pas eu lieu. Puis, mais la charge était là, l'énergie de parler était là. Fait que j'ai passé toute la nuit à me faire parler, si on peut dire, là, par en dedans. Puis, bonjour. Puis, disons que c'était. J'ai trouvé ça rough. J'ai trouvé ça rough. Ah, bon matin. Ben, matin. C'est sûr, ça sera pas long parce que je vais aller dîner comme de raison. Mais j'ai trouvé ça dur. Je me suis fait malmener. Puis, ça, comment je pourrais dire ça? Ça m'a dit, j'étais là, tu traites le monde de fou. Puis, en tout cas, c'était, oui. Puis là, tu vois, ouais, mais toi aussi, tu es fou. Pour nous autres, tu es fou. Autant que les autres. Fait que, bon. Moi, je le sais que je suis pas fou, là, mais c'est une façon de parler, dans le fond. Ah, bonjour. Zora, je voyais quasiment Zora. Tu aurais dû te mettre devant une caméra si tu te sentais parler. Ouais, mais c'est parce que moi, je ne vais pas me mettre à parler en pleine nuit. Parce qu'il y a du monde en haut, puis il y en a à côté. Puis... Astralement parlant, je suis descendu sous l'influence. Scorpion, ascendant scorpion. Donc, ça ira obligatoirement électrique. Moi. Ouais, moi tout, j'ai du scorpion, mais j'ai jamais prêté d'importance beaucoup tant que ça à l'astrologie, là. C'est pas. D'ailleurs, même, j'ai eu un préjugé longtemps par rapport à Ménard parce que c'était un astrologue. Puis pourtant, il y avait une parole pareille, ça s'exprimait pareil dans une parole, mais sa personnalité égoïque, expérimentale, planétaire, c'était un astrologue. Puis. J'ai tout le temps. Vous savez, moi, j'ai un fond chrétien. C'est écrit, hein, c'est écrit. Tu toleras pas d'astrologue chez vous, puis t'iras pas voir de devin, puis d'affaires de même. Puis ça vibre haut, ça. Il y a de quoi qui est pas fou là-dedans par rapport les forces divinatoires, là. Donc, ouais, j'ai cet aspect-là très porté à c'est comme quand je dis des fois je charge du pont intel, c'est une sorte de pharisien un peu. Ben moi-même, je l'ai ça hein, pas mal fort. Dans le sens que je suis vraiment. Mais les dernières années, là, les 10 dernières années, j'ai perdu tout ce que j'aimais, dans le sens que j'aime plus rien. Dans le sens que. Je suis plus capable de faire de musique, j'en ai perdu la vibration, je suis plus capable d'en écouter, j'ai plus envie de lire, je vais pas au cinéma, je suis plus capable d'apprécier le cinéma, je suis plus capable de. Il y a un paquet d'affaires que j'ai perdu, je dis pas que j'ai pas eu d'autres choses qui compensent, là, qui viennent. Mais j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de mon humanité. Puis je deviens, ça me met en colère, vraiment, là, mais psychologiquement, là, je parle, là. Ça, je viens en crise de genre, ça me frustre, c'est pas une vie, ça. Là, je bois plus, je fume plus, je suis plus capable. Puis j'ai plus de fun à rien. Ben, j'ai un peu de fun quand je fais un live. Qu'est-ce que tu entends pour commencer à parler? J'attends que ça se manifeste, c'est pas moi qui mène. C'est ça l'affaire, c'est pas moi qui décide. C'est ça qui est. Ça aussi, c'est choquant. Hier, ça serait arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une entrevue de prévu, mais ça s'est arrangé que ça n'ait pas lieu, puis c'est moi qui ai mangé des remontrances. On se rend compte que tout est éphémère et que rien n'est original. Ben oui, je le sais. Puis le pire, c'est que j'ai même. Même c'est pire que ça, là. J'ai même plus de. Cela vient d'où, est-ce que tu dis? J'ai vu cela aussi, plus de goût de lire, d'aller au cinéma et autres, plus de musique. Ben oui, mais c'est une affaire, comment je pourrais dire ça? C'est la perte de tout ce qui a une vibration liée trop fortement aux forces de l'âme. Il y a eu un contact avec l'esprit, puis ça brûle des choses. Ah, ben bonsoir de la Réunion, c'est loin ça. À chaque fois, je suis surpris. L'astrologie a-t-elle une réelle influence sur la psychologie des gens? J'ai toujours eu des difficultés avec ça. Ça a une réelle influence, tant qu'à moi, au sens de la croyance psychologique collective. Puis que peut-être qu'inconsciemment, il y a des structures de conformité qui se forment. C'est très, très fort, ça, ces forces-là, de structures de conformité. Puis, période de repos. Ah, vous voulez dire quoi? Il y en a un qui m'écrit. Qui décide? C'est les affaires qui ont tout le temps été plus, si on peut dire, plus brillantes que moi, puis qui me rappellent à l'ordre. Dans le sens que je choisis pas, mais je peux décider de laisser aller une vibration ou pas, mais je choisis pas c'est quoi que ça va être, les vibrations. J'ai aucune. Puis si je demande, j'ai dit, c'est vous autres, ça va me dire oui. Puis c'est là qu'ils décident. On peut se fier à rien, hein? Tout ce que je sais, c'est que à un moment donné, je me suis rendu compte que le libre arbitre était une illusion. Puis là, j'ai vu la programmation, puis ces choses-là. Puis finalement, ben, je prends plus de décision. C'est des mises en vibration, des mouvements. Je peux choisir de laisser aller un mouvement ou pas, mais c'est tout. Puis, bon, une période de repos. Ben, une période de repos. C'est pas moi qui. Je me repose, oui, de temps en temps, mais je n'ai pas rien pour me reposer, dans le sens, moi, à part rester couché puis pas essayer de penser à rien, j'ai observé avec le temps, j'ai observé avec le temps que la parole véritablement ajustée se manifeste surtout dans l'instantané de l'échange, oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup les lives. J'ai une question, bon. Que penses-tu de la programmation d'un côté, le fait de faire des prières, des mantras, la magie noire pour tenter de changer un avenir? Ben justement, ça en est ça de la merde. Ça en est ça. Puis d'ailleurs, des prières, ça peut pas être des affaires comme ça, une vraie prière, là, si on peut dire, mais ça en est ça. Pour changer une programmation, ça veut dire que la personne est dans l'illusion psychologique qu'elle change sa programmation alors qu'elle est en train d'y succomber. Elle est programmée pour faire ça, au fond. Donc, ça commence déjà à bouger quand j'essaie d'apporter vers le réel. Oui, mais moi, j'essaie désespérément depuis. Ça fait 2, 3 ans, là, la vibration a baissé, j'ai le contact faible. À part quand ça va mal. Là, quand ça va mal, là, ça revient fort, puis là, ça me remue dans. Ouais, tout par là. C'est une façon de vivre le présent. Ben, on n'a pas le choix de toute façon. À moins de le réfléchir, là, on est soit dans une projection de l'avenir, soit dans une mémoire déformée du passé. Comment élever son taux vibratoire? Moi, l'affaire la plus efficace que j'ai vue, c'est de souffrir. J'étais désolé de dire ça, c'est de souffrir de sa condition. Ça élève le taux. Ça dépend comment que la personne transmute ce qu'on pourrait appeler l'énergie expérimentale. Mais quand j'écoute Bernard, à un moment donné, ça ne marchait plus, il ne me changeait plus le taux, parce que j'étais rendu à un taux bien élevé souvent, tout le temps. Mais là, à cette heure, je ne peux même plus l'écouter parce que ça monte tellement vite. Puis fait que j'ai arrêté. Je viens que ça me fout le. Ben oui, j'ai peur. Et quand je t'entends, tu sais, c'est pas pareil dans le fond. Ouais. Depuis que j'ai survécu à cette montée jusqu'au dessus du crâne, après cette compensation. Ouais, ben, l'affaire, on dirait que toutes les sciences initiatiques et involutives du passé visent à faire monter des forces. Il y a des forces planétaires liées aux planétaires, puis ça part par. Mais on dirait que, justement, le supramental, c'est un mouvement contraire. Ça vient d'en haut, ça passe direct par le crâne, puis ça vient tout fucker le. En tout cas, dont le libre arbitre est un leurre. Ben oui. Ça, je suis sûr. Mais on dit que le libre arbitre était donné à l'homme. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a un cadre restreint. On a le choix de voir ou pas voir quelque chose qu'on voit. C'est-à-dire se fermer les yeux ou pas, puis de laisser aller ou pas une vibration ou un mouvement. Mais à part ça, là. Où on s'habitue au contact, on le ressent moins alors qu'il est toujours présent. Oui, c'est toujours présent, ça, je le sais. Mais des fois, je me sens trahi. Je me sens trahi par les forces, par ces affaires-là. Je me sens trahi parce que je me sens laissé à moi-même longtemps, des longues périodes, puis je déteste. Silence total dans des périodes de quelques jours lorsqu'une mise en vibration d'avec un ami, ça défile. Ouais, ben moi j'avais un partenaire de parole qui était extraordinaire pour me faire parler. Puis il est décédé le printemps avant l'année de la pandémie. Puis je le savais pas, je m'en rendais pas compte, mais c'était un catalyseur super fort pour moi. Puis j'ai vraiment eu une perte. Puis j'ai pas retrouvé quelqu'un de capable de autant. David, il est bon, puis je le respecte beaucoup, c'est vraiment un ami. Mais des fois, les vibrations s'opposent. Comme moi, j'ai bien de la misère avec le jovialisme, là, puis des choses comme ça me fait baisser, moi, ça, en vibration, ces affaires-là. Ou bien le côté méditatif de faire une paix, puis le balayage, puis là. Moi, je ne suis pas comme ça. Je dis pas que c'est pas bon, mais moi, je suis pas comme ça. Ce qui me met en vibration, puis qui me fait monter en vibration, moi, c'est la nécessité, la souffrance, la psychologique, la colère, qui devient que je suis obligé de me rendre mental pour pas me désintégrer moi-même. Si le libre arbitre n'existe pas, cela veut dire. Veut-il dire que tout est absolument destiné, jusqu'au moindre détail, et que c'était prévu que je fasse tomber mon stylo par terre? Ben, ça serait une forme d'ultra-déterminisme qui est apportée jusqu'à. L'affaire, c'est qu'il y aurait différents plans subtils d'énergie, puis qu'il arrive que les programmations faites par certains plans planétaires soient défaites par d'autres plus hauts. Au plan plus haut, puis c'est là qu'il y aurait des réelles possibilités de changement puis d'accident. Des accidents au sens où une programmation se casse, puis il y en a une autre qui apparaît. Puis ça, c'est de l'imprévisible que même les voyants ou les médiums ne peuvent pas prévoir parce que justement, c'est pas enregistré dans l'espèce de couche électromagnétique dans laquelle on baigne. Puis donc, j'ai arrêté d'administrer après la fois où j'ai reçu un coup sur la tête. Ça m'a donné tout un choc. Ouais, des phénomènes physiques comme ça, à un moment donné, c'est comme quoi il y a eu un poltergeist de ma sœur. J'ai survécu à cela et après toutes ces recherches, ce que j'ai déduit de la fusion, c'est le principe électromagnétique, montée magnétique, descente électrique. Ben oui, mais Dark Chemist, tu m'as envoyé. Je l'ai écoutée, hein, la dame, parce que tant qu'elle n'a pas été capable de dormir, une dame, je pense qu'elle est française ou peut-être ailleurs en Europe, puis je l'écoutais. Le piège supramental, je l'écoutais. Puis je me suis dit, ouais, mais on dirait qu'elle n'a pas vu elle n'a pas vécu les phénomènes terribles, genre de te faire carrément dire dans la tête, il va arriver telle affaire, puis finalement, ça arrive. Puis de te rendre compte que oui, il y a quelque chose qui l'a vu, puis que ça vient pas de toi, puis il y a des phénomènes troublants comme ça. Elle a pas l'air d'avoir, parce que l'affaire, là, d'être en danger, parce qu'il y a du monde qui court après. Ouais. Bon, je vais pas partir. Oui, je l'ai écoutée. Elle commence. OK. Est-ce que nous vivons est-il expérimental? Voulu, y a-t-il eu? Un problème dans l'expérience, nous avons finalement été piégés. L'affaire, c'est qu'il semblerait que les intelligences qui régissent le planétaire sont extrêmement. Il y aurait eu des erreurs de commises à ce niveau-là. Il y a d'autres niveaux, il n'y en aurait pas, mais ça serait voulu. C'est-à-dire que ça ne serait pas des erreurs au fond. Mais on est piégé pour avancer puis évoluer, semble-t-il. Evelyne Godreau était un bon speak partner pour toi pour collaborer. Ça, c'est la meilleure joke de la journée. Pourquoi? Parce que, ouais, je vais parler, mais elle n'aimera pas ça. Pauvre madame, là, on va la. Non, ben, des fois, ça m'arrive, je vais dire à quelqu'un tout va-t'en, puis c'est pour la personne, parce que j'ai peur pour elle, puis je veux la protéger d'une certaine façon. De moi. Ça a l'air niaiseux, mais. Soit. Elle simule, soit elle commence à avoir le contact. Ben, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de fort parce qu'elle a sorti des choses que, quand même, c'était ça, mais ça ne durait pas longtemps. Je suis là, OK, parce que ça retombait dans des choses d'intellectualiser le phénomène, surtout social lié à ça. Comme, par exemple, là, le fait que oui, Bernard, un moment donné, il a perdu 800 000 piastres, puis par après, il... Mais, en tout cas, mais, tu sais, je veux dire, c'est pas ces aspects-là nécessairement le plus important, là. Au contraire, parce que je veux dire, Bernard, moi, j'aurais pas voulu... C'est tout l'aspect... C'est pas drôle, se faire défaire sa vie, de même, je veux dire, dans le sens que... En tout cas... Bonjour à tous. Les rêves prémonitoires sont des causes de la synchronicité. Moi, je le vois pas comme ça, là. Il peut y avoir des conjonctures, mais la synchronicité, surtout comme Jung l'entend, là, j'ai un peu de misère. Je l'ai écouté hier soir et j'ai l'intention de linker sur toutes les chaînes du milieu supra au Québec. Je vais être franc, il y a une sorte de fossé entre le vieux con. Oui. Oui, ben. Yes. En Europe, les gens sont intellectualisent plus. Puis là, en ce moment, il y a aussi des fois, on dirait un attrait pour une régression. Là, ce qui est bien à la mode, c'est le chamanisme des origines du continent européen, là, parce que le chamanisme a été, à une certaine époque, mondial. C'était partout ce qu'il y avait des humains, c'était ça, parce que c'était un contact planétaire. L'astral était en construction, si on peut dire. En tout cas, moi, je vois une régression là-dedans. C'est bien dommage, là, mais c'est comme on passe du solaire, on retourne vers le planétaire. Puis là, ça vient tout le temps avec des espèces de vibrations de hippie puis de retour à la Terre. C'est bien beau, c'est bien correct, tant que c'est pas spiritualisé. En tout cas, les Québec, je vais aller mollo pour éviter les mises en vibration, colère ou incompréhension. Ouais, mais Dark Chemist, t'es-tu au Québec ou en Europe? Je me sens abandonné des fois aussi. Ben oui, puis ça, même les gens que c'est des mystiques, des fois, ils ont ça. Les chamans font des transactions avec l'astral. Oui, je le vois comme ça. Fait que... Mais là, d'un autre côté, est-ce que c'est pas. On pense tout le temps qu'on fait une transaction puis on se fait transiger, ça. Sans s'en prendre aux gens, comment se confronter au plan? Ben oui, ouais, ça, c'est à l'interne, je dirais. Mais moi, je portais à extérioriser, surtout quand tu essayais de parler, d'avoir l'art de retrouver une parole, puis qu'il y a de la misère. Et je souhaite y remédier, parce qu'à part s'exiler au Québec, ce que j'ai voulu depuis l'âge de 9 ans, ah, t'es en Europe. Le rêve est-il une sorte de voyage astral, mal avec très peu de conscience? Ben, il n'y a pas de conscience hein, dans l'astral. Ben, je m'excuse de dire ça de même, mais dès qu'on est là, on est. Mais là, il y a différents types de rêves. BDM se moquait des végétariens, mais après son cancer, la santé est devenue sa priorité. Ouais, puis quand il était en train de mourir, il aurait dit que justement, il succombait à sa programmation. Mais c'est parce que ça dépend, là. Il y a du monde qui ne devrait jamais manger de viande, puis il y en a d'autres qu'il faut qu'ils en mangent. Et sinon, c'est là, ils vont devenir malades. Puis on vient à une époque où c'est extrêmement difficile de trouver des végétaux qui sont pas toxiques là, à cause de la façon dont on les cultive. Donc, si vous mangez là, plein autant de fruits puis de légumes que le gouvernement le recommande avec de la façon, on en a d'importés de partout, là, du Mexique entre autres, de la façon dont ils sont cultivés, d'après moi, c'est aussi cancérigène que de la viande, là. En Europe, ici, on est un peu en quarantaine. Ouais, ici aussi, dans Guadeloupe, Antilles, Guyane. Ouais, les départements d'outre-mer. Ça fait. Imaginez, là, comme on a quelqu'un qui nous écrit de la Réunion. Imaginez, là, d'être pris sur une île, puis il faudrait devenir pranique. Ça, je pense que c'est parce que ça a tout le temps été spiritualisé tellement. Puis, non, moi, je veux rester. En tout cas, même si on me l'offrait, là, je dirais non. C'est un des. Même là, j'ai plus ben, ben de plaisir à manger. J'ai plus. C'est ce que je dis aussi pour la nourriture. Moi, j'ai besoin de viande. Ben oui. Puis, dépendamment des groupes sanguins, puis possiblement aussi de la configuration génétique. La génétique, c'est un code. D'une certaine façon, c'est une partie densifiée de l'âme, parce que c'est de la mémoire. Donc, le code génétique est un peu l'âme dans le corps. Ça va. Bon, du coup. Bernard, t'es pas un homme parfait, aucun nom. S'il avait été un homme parfait, il aurait fermé sa gueule, puis on ferait quoi, là? Et je défends son travail. Ce qui compte, c'est la vibration qu'il véhiculait. C'est ça. Puis si ça venait pas de lui, t'as pas besoin d'être parfait. Pas besoin d'être parfait. On peut se parfaire, mais être parfait, ça veut dire qu'on n'est pas, on n'a pas d'affaires, on n'aurait pas d'affaires dans la matière, là. Qu'est-ce qu'il y a à... C'est comme là, ça parle beaucoup d'évolution, puis d'évolution. Une affaire que la dame là, que tu m'as envoyé la vidéo, une affaire que, par contre, qu'elle a raison, c'est surtout l'intégration. Parce que l'évolution, ça se fait sur des générations, c'est extrêmement lent, mais l'intégration, c'est vraiment à l'échelle d'un individu. Puis même là, si vous regardez la genèse de Bernard, là, ça dit, on parle d'évolution, mais elle n'a pas commencé. Elle n'a pas encore commencé. Puis c'est en quoi, 88, 87, ça? Donc, énergie créatrice est-elle intelligente? Pourquoi n'a-t-elle pas créé la perfection? Parce qu'il y a un principe de densité. C'est une affaire que j'ai souvent parlé quand j'étais avec... Quand j'avais des entrevues avec David, il y a un principe de densité, c'est-à-dire que, si on peut dire, il y a un principe qui fait qu'au niveau du matériel, il y a une cristallisation dans la densité pour créer ce plan-là matériel, c'est-à-dire que l'énergie va un peu comme de l'eau qui s'éloigne d'une source de chaleur puis qui se gèle. C'est un peu ça, à mes yeux, la matière. Puis ça peut pas être parfait tout de suite. Pourquoi? Parce que l'énergie est ralentie par la densité, donc une création de l'espace-temps. Donc ça prend un processus de perfectionnement des formes, de l'énergie à travers les formes. Puis là, ça engendre un paquet de lois. Mais c'est grâce à ce plan-là qui engendre l'incarnation que même des êtres parfaits qui étaient parfois au point d'être statiques, puis d'être finis, peuvent encore une fois se perfectionner puis évoluer, puis là, c'est fait partie des lois de l'infinité, l'infini. La perfection ne crée pas d'expérience, c'est ça, mais y a, ce qui est fini peut pas être infini. Donc, puis l'esprit veut coloniser tout, ça fait partie de sa nature. On va devenir pranique, c'est écrit partout, sauf que pour certains, c'est maintenant et pour le reste, en dedans des prochains 2000 ans. Bon, on verra, moi, je ne serai pas là longtemps, là. Faut que j'aille dîner, mais en plus de ça, un jour, je vais mourir, là. Je n'ai pas l'intention de passer l'éternité ici, en tout cas. Mais, moi, je mange une fois aux 3 jours. Enfin, ben, c'est de voir sur le long terme ce que ça va donner. Ce qui risque, bon. Je peux pas dire que ça a pas de sens, comme je peux pas dire que ça, c'est pas, c'est votre expérience, monsieur Côté. Donc, moi, je sais que si je me mets à manger aux 3 jours, là, je vais ressembler à Jeanine Souteau. Passer de la conscience psychologique à la conscience vibratoire. Ouais, puis ça se fait par coup, puis par phase, puis ça, j'ai bien de la misère. En tout cas. On était sous la même longitude avec le froid. Moi, un groupe haut. Manger de la viande tous les jours, des fruits, régime chasseur-cueilleur. Alors ça, par rapport aux les groupes sanguins puis les tempéraments, je ne me suis jamais penché là-dessus. Je suis mon intuition, puis mon intuition me dit de manger de la viande. Puis peut-être qu'un jour, ça va me dire de ne pas en manger, je ne le sais pas. C'est difficile de... En plus de ça, je suis terrible, là. Je regarde des fois des vidéos sur YouTube, là, en Chine, là, ils ramassent une bibitte que j'ai jamais vue, là, puis là, ils la remplissent, oh, ça a l'air bon. Il y en a bien qui seraient choqués de mon mode de vie, je pense. J'ai oublié, ben, j'ai jamais mis la chasse, par exemple. C'est aussi pour t'informer que sur le vieux continent, il y en a qui commencent à dépoter hors milieu, récupérer supramental. Oui, puis ça m'inquiète un peu. J'ai tout le temps pensé qu'il fallait pas que ça se diffuse trop vite. Puis j'ai peur que ça soit récupéré, puis que ça devienne des mouvements, vous savez, là, comme on a vu dans les années 70-80. Puis ça, ça me... Tu réponds pas, mais tu lis quand même les commentaires. J'ai une interprétation de réponse. Souvent, là, je vais arriver sur une vidéo que j'ai fait par juste comme ça. Puis, je vais lire un commentaire. Puis, si je suis mis en vibration, je vais pas lire les autres. C'est très rare que je vais tout lire. Parce que je suis trop sensible, je pense. Je suis encore. Puis, je deviens psychologique. Puis, je deviens plus. Je suis mis en vibration. Puis, là, je suis porté à faire une vidéo pour répondre. Puis, vu que c'est une mise en vibration, j'ai pas de la misère à pas le faire. Puis, des fois. Moi, une flic, je suis d'origine mexicaine, vécu en France et trouvé dans des gens de Québec en commençant par BDM, une vibration pas ressentie avant. Oui. Puis le Mexique, là, il y a un gros, gros karma astral. C'est pour ça, là, la magie, puis les morts, puis comment il s'appelait, là, Samael Home VR, là. Il y en a même qui sont allés dire que ça avait été un collaborateur de Bernard, ce que je ne crois absolument pas. Intérieurement, ça me dit que c'est pas vrai. Donc, Bertolt dirait où après la mort si tu ne veux plus de piège du recyclage, réincarnation? Je ne le sais pas. Moi, je suis prêt à être complètement détruit en tant que mémoire, puis à pas avoir d'aucune forme de survivance, puis de retrouver à la source d'une façon totale, quitte à être totalement détruit. Je préfère ça. Ça peut sembler complètement contre nature ou contre même les lois de la vie, mais je suis tellement écœuré de l'expérience, peu importe sur quel plan, je le sais pas. J'irai où je vais aller. Je ne le sais pas. Mais j'ai plus aucune crainte de qu'il n'y ait pas de survivance. Ça me dérange pas. Donc, moi, je pense oui que je suis hyper sensible. Pourtant, je peux être d'une très grande froideur, d'une grande dureté. Mais après, par contre, là, c'est pour ça, peut-être tout, des fois, j'ai des pertes de mémoire, entre autres, mais je pense que c'est un autre phénomène. J'ai un début de réponse à ce sujet. Ça va mieux, les aigreurs d'estomac? Bah, j'en ai pas en ce moment. J'en ai eu un petit peu hier, mais non, j'en ai pas en ce moment. C'est comme j'avais une luxation au cou. Une luxation au cou, puis je l'ai eu pendant plus de 10 ans. Puis tout le monde m'achalait pour que j'aille voir un chiropraticien. Eh bien, la journée que j'ai pris une adresse et un numéro de téléphone pour aller le voir, ça a disparu. Puis ça revenait périodiquement. Là, il y a des journées, je pouvais rien faire, carrément. Là, j'étais. Donc, j'ai ressenti ça il y a peu plus d'un an quand le supramental devient une doctrine. Juste à voir les vidéos. Ben, c'est ça, là. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, j'avais fait des vidéos où je disais, je veux même plus utiliser ce mot-là. Je vais parler sans. Puis là, je suis rendu, je me dis, je vais faire une boîte courriel privée pour que les gens puissent m'écrire en privé sans que ce soit public. Puis si ça continue, il y a peut-être des vieilles vidéos de réponses que j'avais faites, c'était pas ajusté, que je vais effacer, puis j'ai pas le temps en plus de répondre à tout. Je me dis, j'aurai jamais le temps. Yoto, je retrouve souvent les termes du supramental dans le New Age. Boy, il y a une récupération par l'astral. Puis forte, là. Très, très forte. Comme la madame, là, Bernard est en moi, là. Ça va contre tout ce que Bernard dit, contre tout ce qu'il voulait, contre tout le. Ah, as-tu écouté c'est Patrick? Oui, un peu. Ben lui, quand j'avais ma première chaîne, à un moment donné, il était venu me sortir. Lui, il considère que le double, ce n'est pas une entêtisation de la lumière, que c'est la lumière elle-même. Puis j'y avais dit, ben moi, je considère que non. Puis d'ailleurs, si tu regardes dans la Genèse, là, telle page là, de Bernard, il l'écrit clairement. Puis j'ai plus de nouvelles. Ça a fini là. Mais lui, il donne des outils. Il donne des outils. Puis moi, je crois pas à ça, les outils. C'est moi, là, les recettes, puis les outils. En tout cas, ben, je dis, j'ai rien contre lui. Là, ça a l'air d'un bon bonhomme, mais il pense qu'il y a un homme nouveau, puis que c'est lui. Bon, c'est correct, là, si c'est vrai. Mais ben, moi, je pense que c'est pas ça. Alors, l'hypersensibilité que l'on se paye depuis la naissance, ça m'a dit que c'est de l'extrasensorialité. Ouais, qui est psychologisé, qui est pas. On a des prisons, hein, des prisons. On a des structures denses qui empêchent les choses de se diffuser d'une façon trop. Les entités nous tordent le cou des fois. Ouais, mais moi, c'était quelque part une vieille blessure de sport, là. À un moment donné, j'ai fait un faux mouvement, puis ça a resté des années. Puis aussi, quand j'ai perdu ma maison, j'ai eu des tensions, puis à un moment donné, claque, ça m'a. Puis en tout cas, c'est quand j'étais aussi, j'avais de la tension, j'étais surstressé, là, ça, je sentais le nerf, là, puis ça me montait jusqu'à l'arrière de la tête. Ça me faisait des migraines. Puis le pire, c'est que je voulais pas soigner ça. Je disais, ça a une fonction, un jour, ça va s'en aller. Étrangement, c'est ce qui est arrivé. La programmation est supervisée par l'esprit avant l'incarnation de l'homme ou vient-elle de l'influence astrale? Moi, je pense que l'esprit avant l'incarnation, oui, il va avoir un, si on peut dire, il va avoir une lecture des archives, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a un choix, mais c'est pas un choix au sens psychologique où on l'entend, mais on sait ce qu'on va vivre avant de descendre. Puis après, on est sous le joug de l'astral. Il semblerait que les morts restent pas longtemps dans l'astral. Moi, j'ai vu mon père quelques fois, puis Astor, il est plus là. Puis c'est parce qu'il serait rendu sur un autre plan. Il aurait été dit, ben, c'était juste une mémoire de toute façon. Puis peut-être qu'ils sont en train de préparer, il va revenir dans la matière d'une autre façon. De toute façon, c'est plus de mes affaires, puis je m'en fous dans le fond, là. Une fois qu'on comprend les choses comme ça, ben mon père, c'est pas mon père. C'est tout le psychologique filial. Là, on vient que on comprend que bon. Dimension, temps, et pareil. Au début de cette initiation, j'avais des accès de mental hyper froid. Ça s'est décanté depuis. Oui, moi aussi, ça dépend de ce qui se passe. Ça dépend aussi. C'est des phases. Bonjour, Christine. C'est inévitable, le sujet supramental se fait gâter, il faut remuer les formes. C'est pour ça que je me dis, je vais finir par parler, mais j'emploierai plus le même vocabulaire, mais je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Puis de toute façon, je sens qu'il y a de quoi qui s'accumule. Puis c'est quoi l'homme nouveau? L'homme nouveau, ça serait l'autre phase qui vient après notre civilisation planétaire qui achève. Puis ça, il va toujours en avoir un petit peu avant que ça soit général, avant que ça soit généralisé sur une planète. Donc, c'est possiblement, c'est déjà là. Il y en a déjà. Mais possiblement que, étant donné qu'ils ont un mode de pensée qui n'est pas psychologique, ils sont un peu comme des gens qui se camouflent, si on peut dire. Puis ils vont pas courir après le trouble. Donc, mais moi, je le sais que je ne suis pas un homme nouveau. J'ai une bibitte transitive, là. Mais ça peut me tomber dessus qu'à un moment donné, je vais me rendre compte que peut-être, je le sais pas. Ben, franchement, là. En tout cas, c'est pas l'homme nouveau des théosophes, puis c'est pas l'homme nouveau comme toutes les fous politiques ont parlé, là. Puis toutes les sectes qu'il y a eu pendant le 20e siècle, là. C'est pas ça. Ça, je suis sûr. C'est pas non plus le surhomme de Nietzsche, que dans le fond, si vous lisez Nietzsche, c'est un super animal, là. Son bonhomme nouveau à lui, là, son homme, son surhomme à lui, je l'aime pas pantoute. Je le trouve involutif. Est-ce que le double est une autoconstruction visant à instruire l'ego? Oui, mais c'est pas fait consciemment, psychologiquement. C'est ça qui est spécial, parce que c'est pré-personnel. C'est là que c'est. Penses-tu qu'il y a des entités ou morts de l'astral se trouvent à nos côtés et sont invisibles? J'ai vu des photos de silhouettes de visages humains apparaissant dans de la fumée de cigarettes. Ben ça nous ramène à ce qui a été vu au 19e siècle vers la fin, là. C'était rendu qu'il y avait des savants, là, qui s'intéressaient à ça. Mais je pense que l'astral est capable de densifier des choses. Donc, mais ça va tout le temps être lié à l'énergie des vivants. Ils volent l'énergie des vivants. Ils volent l'énergie vitale pour faire ça. Donc, c'est pas une densité qui est. Mais d'un autre côté, ça peut être autre chose, là. Il y a peut-être des. Parce que là, c'est difficile, là, sans le contexte, puis sans la. J'avais l'impression d'être comme les extraterrestres ou ces êtres du plan mental, dénués de sentiments, de sensibilité. Oui, ça aussi, je l'ai vécu. C'est revenu vite au galop. C'est par phase que je l'ai vécu. Des fois, je vois froid, puis c'est clair, puis je vois plus clair par contre quand je suis froid. Ça, là. Mais ça, c'est le plan mental. Il n'y a pas des modes. Le vrai plan mental, il n'y a pas d'émotion dedans. Il On est multidimensionnel, puis comme on fluctue, ben on change d'état. Pourrais-tu donner une nouvelle forme au chemtrail depuis l'esprit? Ben, pourquoi? C'est spécial, si je pourrais donner une nouvelle forme au chemtrail depuis l'esprit. Comme ça, là, non. Même, c'est déjà. Moi, mes yeux, c'est des technologies liées à de la gestion. Puis l'individu est pas respecté là-dedans, c'est tout ce que je peux dire. Mais je le vois encore comme une façon de. En tout cas, quand j'étais petit, ça existait déjà, je veux dire, depuis même des années 70. Puis. En tout cas, j'ai pas envie de tomber dans des affaires de merde. Ou ton père, c'est pas ton père, ultimement parlant. Tu es né de moi-même. J'ai vu loi au lieu de toi, mais c'est des lois. Donc, ben non, pas du moi psychologique, en tout cas. Daniel Kemp. Il est décédé, monsieur Kemp, puis il est rendu sur le chat. Homme nouveau, conscience nouvelle, c'est un cours avant de devenir homme nouveau. On est homme transitif. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce que ça peut se faire? C'est du cas par cas. Est-ce que je vais le vivre dans la même incarnation? C'est ça là, que je me pose la question. Parce que ça va vite, là. Puis je pense pas. Bon, en tout cas. Charles Sabourin répondit à une sollicitation de ma part au sujet d'une question très précise. Ah oui, eh bien. Puis est-ce que ça t'a coûté, est-ce qu'il faut que tu ailles faire après qu'il faut que tu sois en consultation, là, puis parce qu'il faut vivre la pratique, hein, c'est la seule façon. Comme si juste le fait d'être dans notre propre expérimental, c'était pas de la pratique. En tout cas, moi je l'aime bien, Charles Savourin, je veux pas. Arbre dans la prophétie de Jean, il écrit. Et lorsque le ciel sera rouge, là sera le début de la fin. Contrôle climat mondial. Oui, mais le rouge, c'est aussi une couleur qui vibre haut. Si vous regardez, on pourrait associer, parce que sur un aimant, là, souvent, on va mettre un côté rouge et un côté bleu, mais le rouge est actif. Donc, est-ce que c'est aussi lié peut-être à la vibration de l'électrostatique? De l'atmosphère dans le sens de phase planétaire. Puis c'est à se demander si certaines technologies qu'on voit ne sont pas là pour essayer d'atténuer, d'empêcher ou de retarder un phénomène qui est lié à des phases, qui est un phénomène cyclique qui est craint par des gens. Il y aurait peut-être ça, là. Donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses, le ciel rouge. Est-ce que c'est pas l'esprit qui est en train de rentrer dans l'astral, peut-être aussi? Donc le ciel rouge, ça peut être vu, mais ça vibre haut, ça, les affaires de. En tout cas, moi, le ciel rouge. Bonjour, Jamie Blue. La vérité sort de la bouche des enfants. Jusqu'à quel âge, s'il vous plaît? Ça dépend. Il y a des enfants de 90 ans. C'est quoi un enfant? C'est un état. Si on le regarde occultement, c'est lié au temps. Donc, le temps, on peut se promener dans le temps par la perception, donc. Est-ce que les chemtrails sont en synchronicité avec le taux vibratoire d'une masse dans une zone géotellurique? Je pense que ça suit des stratégies liées à la finance pour militaires, possiblement. En tout cas, à mes yeux, c'est clairement stratégique, puis aussi un côté expérimental à ça. En Europe, il y en a plus qu'ici, mais ça dépend. Quand j'étais jeune, il y en avait beaucoup parce qu'ils expérimentaient avec ça. Il y avait même des cultivateurs qui étaient payés pour mettre des petites boîtes là, dans leur champ. Puis après, il y avait des espèces de jets qui faisaient. Dans le temps, il n'y avait pas d'avions commerciaux qui faisaient des chemtrails, c'était tout le temps des avions militaires, là. Puis, en tout cas, même il y a des affaires qui ont été déclassifiées là-dessus. Très intéressant. Mais très intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse. Non, pas de consultation comme avec toi. Je prends ce qui est bon chez quelqu'un et le reste, je le. OK. N'a pas besoin de mettre trop de petits points. Bonjour, Nadine. Moi, ben, Sabourin, ben, moi, je l'aime bien, Sabourin. Je veux dire, je pense que c'est un bon bonhomme. J'aime beaucoup le côté de la mécanique qui est très dans justement le concret. Les pieds quand même sur terre pas mal, mais bon, ça veut pas dire qu'il est parfait. Discerne pour en apprendre, comme j'avais pas à te poser cette question, car elle demande une synchronisation pour obtenir une réponse. Ben, faut en prendre pour en laisser tout le temps. Peu importe de qui. C'est pour ça que si jamais, là, à un moment donné, là, je me suis rendu avec une robe blanche, là, puis que j'ai joué en gourou, là, ben, mettez-moi une balle dans la tête, quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un en arrière. Oh, pas, j'ai des intrus qui osent se promener. Es-tu fumeur? Bois-tu beaucoup de café? Non, je suis pas fumeur. Ben, je suis plus fumeur depuis un mois et demi. Mais faut attendre un an pour se dire non fumeur. Mais du café, j'en prends le matin surtout. Puis, l'après-midi, je vais boire du thé. Beaucoup. Des fois de l'eau chaude. Des fois d'autres affaires. Là. J'aime beaucoup le melon amer, mais ce que sur l'île de la Réunion, là, c'est Margos qu'ils appellent ça. J'ai de la difficulté à en faire venir ces temps-ci. J'ai constaté que ces derniers temps, ce que je souhaite se réaliser, ça s'explique comment? Ce que je souhaite se réaliser, ça s'explique comment? Ben, avez-vous besoin d'une explication? Ça se réalise, là. C'est bien correct. Moi, je suis bien gros. Si j'ai parlé, c'est surtout pour dire au monde, si vous posez des questions intérieurement, vous allez avoir des réponses. C'est peut-être plus pour ça que de répondre à des questions. De plus montrer le phénomène. Est-ce que vous parlez avec votre plante qui est sur le côté? Si oui, vous lui dites quoi? Non, je parle pas avec. Il y a peut-être des dialogues inconscients de ma part, mais ça serait lié à des émissions d'ondes puis des vibrations, parce que c'est ça le langage des plantes. Mais non, je parle pas avec. J'ai pas besoin du support de la parole. Je l'aime, puis elle va bien. Quelle est la diction dont tu désires te défaire? Ben là, j'en ai pas. Je fume plus, je bois plus de... Bon, il y a de la visite. Il va falloir que j'aille préparer le dîner. Mais non, quelle addiction. Je veux dire, je prends pas de drogue, je bois pas, je fume pas. L'addiction dont je voudrais me défaire. Est-ce qu'il y a une addiction dont je voudrais me défaire? Ben, peut-être à l'oxygène, là, ce serait le fun, puis avoir besoin de respirer. Ça me dérangerait moins de me mettre un masque quand je sors à l'épicerie. Est-ce qu'écouter Bernard de Montréal, c'est la même chose que de faire de la canalisation? Non. Non, mais un peut être un catalyseur de l'autre. Quel investissement m'intéresse? Moi, j'aime beaucoup les métaux qui sont en train de... Les marchés qui sont en train de se développer comme... le cobalt, les choses comme ça. Le sucre, j'en mange pas beaucoup de sucre, j'ai pas le bec sucré. J'aime même pas le dessert. Donc, la froideur est mise sur terre, c'est moi, une mise à terre. Ah oui, peut-être. C'est prouvé que les plantes communiquent entre elles dans les sujets comme la météo et les prédateurs. Ben oui. Ben oui, moi, à mes yeux, ça a même pas besoin d'être prouvé. On sait ça. Voici le lien de l'agenda ARP pour le ciel rouge, c'est tous le barium, strontium, aluminium, lithium. Ben ça, c'est des investissements intéressants. Voyez qu'à cause de leur technologie de fou, là, ça va monter là, en valeur. Comme le niobium, ça commence à devenir... Ça fait 5 ans que je fais des recherches. Oui, mais je pense que le taux vibratoire peut empêcher certaines technologies d'agir. Mais bon, je dois quitter le live avec ce compte. Ma batterie me lâche. Je me connecte avec un autre. Ben moi, je vais devoir aller dîner de toute façon. Le Bitcoin monte en flèche. Ouais, ben il avait monté déjà. Moi, j'avais des actions de Bitfarm. Puis, je les ai vendues. Quand il y a eu le petit mini crash, là, j'ai tout vendu ça. Puis là, aujourd'hui, puis j'en avais beaucoup, là, plusieurs milliers. Là. Moi, on dit que j'ai un coup d'un. En plus, j'ai ça, moi, les crypto-monnaies. Ben, j'ai ça, c'est une façon de parler. Là. Comme aide un proche, ma belle-mère, c'est le vent en vibration. Elle sort beaucoup de scénarios, ça nous retombe dessus. C'est difficile à dire ça parce que c'est du cas par cas. Des fois, c'est pour intégrer le fait que justement, vous ne pouvez pas, puis que juste le fait de plus donner d'importance, la personne devient moins pire. Ça arrive, j'ai déjà vu ça. La consommation de cannabis dessert-elle forcément? Je pense que non. Je pense que ça dépend du monde et des phases dans leur vie. Mais qu'est-ce quelqu'un qui fume tous les jours, là? Ça, c'est sûr, c'est pas bon. Ça, là, quelqu'un qui fume tous les jours, non. Puis même, il y en a des personnes qui vont en avoir eu besoin dans leur vie, puis à un moment donné, même fumer une fois de temps en temps, c'est plus bon. Il faut pas. Mais ça dépend, là. C'est du cas par cas. J'ai des périodes où j'ai des fois, très fois, cela peut être dû à quoi? Ben, ça peut être dû à souvent une perte d'énergie vitale. Donc, c'est de savoir, y a-tu, est-ce qu'il y a une structure qui a tiré ça proche? J'ai déjà eu des discussions avec des gens qui subissaient des assauts là, de ce qu'on pourrait appeler un peu comme de la hantise, là, puis qui vivaient des choses comme ça. Aussi, si vous avez inconsciemment des pensées liées à des pertes, des fois, de proches ou des vieux deuils qui sont pas réglés, j'ai remarqué ça, il y a des gens, ils font juste en parler, puis je me mettais à avoir froid. Le taux vibratoire peut provoquer des coupures de courant et faire bouger des objets assez lourds. Oui, comme des lampes qui crépitent, là, puis même à un moment donné, ça m'est arrivé quand j'étais dans une autre ville, là, j'étais étudiant, puis c'était rendu, puis j'avais même fait vérifier le voltage, les globes éclataient. Ça devenait tannant parce que des fois, j'étais en train de manger, puis la lumière en haut de moi éclate, puis là, je suis obligé de jeter mon souper parce qu'il y a des morceaux de verre dedans. Que fais-tu de l'argent que tu accumules? Pas de tes affaires. Je l'accumule, mais souvent, je vais la remettre ailleurs ou la transformer en quelque chose qui a de la valeur ou l'entreposer ailleurs. Mais l'argent que j'accumule, des fois, je la garde un bout de temps, puis après, quand il y en a certains que je touche plus, que je veux pas, il y en a d'autres quand j'en ai un peu, là, je la ramène dans des comptes, puis là, je promène l'argent. Je m'amuse à le promener. Comme ce matin, j'ai donné un ordre, puis j'attends. Donc, ça me donne rien, j'avais rien à faire finalement, parce que c'est pas mal. En tout cas, sur le même compte, Dicky est bien mort. Quand on désire se défaire de quelque chose tant qu'on le désire, on n'y arrive pas. Non, psychologiquement, on veut tellement que ça crée un blocage. Oui, le désir, là, le corps de désir, là, ça va contre la volonté. Il y a que on pourrait dire la volonté réelle, puis le désir, ça ne marche pas. J'ai remarqué ça en tout cas. Ça va créer de la résistance. Puis il va y avoir quelque chose de refoulé qui va s'en aller dans des structures de résistance. Le désir, là. Comme, en tout cas, moi, je donne d'importance à des choses, puis plus ça marche. Donc, parlons de l'importance du centre cardiaque. Ah ben, le plexus solaire, vous voulez dire. Ben, il y a un autre plexus, un petit peu plus haut, plus à gauche, qui est le vrai centre cardiaque, là. Le plexus solaire, le vrai, c'est au niveau de l'épigastre. Mais là, j'aimerais s'en parler. J'en parlerai peut-être à un moment donné, mais là, je vais aller préparer le souper, là. J'ai du monde. C'est peut-être mieux d'acheter des pièces d'or. Ouais, mais il est écrit, ils jetteront leur or dans la rue. Là, qu'est-ce que ça veut dire, là? Je sais pas, là. Mais moi, de l'or, j'en ai acheté. C'est certain, là. À mes yeux, c'est même. Mais là, il y en a même qui disent qu'à un moment donné, c'est une loi martiale de déclarer, les militaires vont rentrer dans les maisons pour ramasser l'or, puis vont rentrer les coffres à la banque, ça va être saisi, tout ça. Donc, je le sais pas, là. Mais je pense que c'est une bonne affaire, moi, d'acheter de l'or. J'ai encore la vibration d'en acheter, puis c'est une belle vibration, l'or, même si ça fait faire des folies, mais c'est une belle vibration. Il y a quelque chose, justement, de solaire dans l'or. Puis bon. J'ai eu une période électrique. Dès que je rentrais dans une pièce, je faisais déconner les téléphones et ordinateurs, tablettes, quoi. Ouais, moi, ça m'est arrivé au début de la pandémie, là. Des appareils qu'il fallait qu'ils sonnent pour qu'on avance, là, un par un. Puis, à un moment donné, il va falloir que j'y aille. Avec les resets crypto, dématérialisation, monnaie, puce. Enfin, c'est leur agenda. Surveille tes œufs. Ouais, mais j'en ai que, bon. Avant le souper, je pensais que c'était uniquement de la soupe et le soir, bon. Ouais, ben, il y a longtemps, là, comme au 17e siècle, le souper, c'était le repas du soir, comme Louis XIV, il soupait. Puis à la cour de Versailles, il ne faisait pas froid. Si vous prenez les termes du temps, là, avec l'accent du temps, il faisait frette, avec un accent circonflexe. Il y a eu des réformes de la langue, là. Bonne question. As-tu vécu une initiation en fait différente pour chacun dans la forme? Oui, même plusieurs. Juste le fait de se rendre compte qu'il y a de la télépathie, c'en est une à mes yeux. Le fait de l'intégrer, surtout de se rendre compte que c'est réel après l'avoir. Bonne journée, merci. Est-ce que je suis surpris à manger de trop? Est-ce que tu te surprends à manger de trop? Non. Au contraire, moi, je suis porté à pas manger assez. Donc, bon, ben, je vais vous laisser. Donc, bonne journée à vous. Hein? Puis le reste, ben, je vais vous laisser regarder ça entre vous. Donc, bonne journée.